Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 53. Des vices manifestement opposés à la prudence, et d'abord de l'imprudence. L'imprudence est un péché, qui comprend la précipitation, l'inconsidération, l'inconstance, trois vices qui naissent de la luxure. 1. L'imprudence était l'un péché. Il est écrit, un trésor précieux et une huile abondante se trouvent dans la maison du juste, mais l'homme imprudent dissipe tous ses biens. Proverbe 21:20. Il n'y a que le péché qui puisse nous enlever le trésor de la grâce, dont parle l'Esprit Saint en cet endroit. L'imprudence est donc un péché. L'imprudence purement négative, qui accuse seulement un certain défaut naturel, peut exister sans aucun péché. L'imprudence privative, ainsi appelée parce qu'elle prive quelqu'un de la prudence que, naturellement et par devoir, il devrait posséder, est seule coupable. Sa gravité se mesure sur notre négligence à acquérir la vertu de prudence. Considérée dans les actes contraires à la prudence, cette imprudence peut aller jusqu'au péché mortel, s'il y a mépris des règles de la prudence. Ce qui arrive lorsque la précipitation avec laquelle on agit doit être regardée comme un mépris des enseignements divins eux-mêmes. Mais elle est seulement une faute vénielle, si, exempte d'un tel mépris, elle n'enfreint pas ce qui est de nécessité de salut. 2. L'imprudence est-elle un péché spécial? L'imprudence est évidemment un péché spécial, puisqu'elle est le contraire de la prudence, vertu spéciale. Ce n'est pas qu'elle ne soit aussi un péché général, à d'autres points de vue, car elle est renfermée dans tout péché, et elle comprend en elle plusieurs espèces, comme on va le voir par les articles suivants. 3. La précipitation est-elle un péché compris dans l'imprudence? Quand un homme, emporté par l'impétuosité de sa volonté ou de ses passions, se jette immédiatement à l'action sans tenir compte du passé, du présent ou de l'avenir, sans raisonner, sans songer aux principes posés par les sages, il y a précipitation par défaut de conseil. Un tel défaut appartenant à l'imprudence, il est évident que la précipitation est comprise dans le vice de l'imprudence. 4. L'inconsidération est-elle un péché spécial d'imprudence? Il est écrit que vos yeux regardent droit devant vous, et que leur lumière précède vos pas. Proverbe 4:25. Cela concerne la prudence. L'inconsidération, qui fait tout le contraire, est manifestement un péché spécial, compris dans l'imprudence. 5. L'inconstance rentre-t-elle dans l'imprudence? L'inconstance consiste à se désister des bonnes résolutions que l'on a prises, lorsque la raison, cédant à l'attrait d'un plaisir déréglé, renonce à commander ce qu'elle avait trouvé bon. Le commandement est toute rectitude de la raison appartenant à la prudence, l'inconstance, qui accuse un défaut dans la raison elle-même, et tout spécialement dans le commandement, est visiblement comprise dans l'imprudence. 6. Les vices précédents naissent-ils de la luxure? Au sentiment du philosophe lui-même, rien n'obscurcit autant le jugement de la prudence ou la raison pratique que les plaisirs des sens, et surtout la luxure, qui absorbe l'âme entière dans les jouissances charnelles. Puisque les vices précédents tiennent tous à un défaut de prudence et de raison pratique, il est indubitable qu'ils ont leur source principale dans la luxure. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.